dire, tout va de mal à pire, de mieux, rien qu'avoir soif, les gens pour se mourir de vie. Pas pour se voir encore et encore, ils sont plus vieux, la vie leur dure, même la mort. Ça tire, ça vole, ça escroque ou estant. Ça pense de jour comme de nuit, on met les coffres, on se fait une banque. Le salaud des miens et des miens, c'est peut-être le salaud, mais on se fait à tout, mais mal au vie, tiens. C'est pas ça, on fait, c'est pas ça. C'est quoi ce foutoir de temps, journaliste, juste froid, mes mains, dès qu'un pantou mal ou qu'un coup froid. Perdre sa liberté, histoire que les mêmes soient plus dans le besoin, ils retrouvent la fierté. Prêt à perdre un année ou une balle, c'est peut-être ça, enfin, je reste. Pensez qu'il m'a vu grandir, rêveuse rôle de mère et de père quand ce dernier était parti. Toi, va celle qui m'a fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, jamais j'oublierai tout ce qu'elle a fait. Espèce de nouvelle, tu n'es rien que on fait parler de que ce soit en mal ou en bien. Cette zone de nouvelle, ça se reconnaît. C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort. J'avais perdu ma quoi donner la chambre de boule à ce qui dit. Mais dans la vie, on s'est amusé de plus. De raison et cause de cœur à cœur. Je me faisais le sang, par ma voix, comme un disque, ma vieux. Ma voix, mon honneur, quoi je dois renoncer pour la voix. C'était le coup de foudre, un coup du genre quand tu vois pas son nom, que je l'ai mis perdu moi. Comme le méchant de tout la qui dit. Son ma voix est comme de cœur à cœur. Même si les sons n'est pas moi, pas moi, mais même ton majeur. Faut le dire, tout va de mal en pire. Demi, y'a qu'à voir ce que font les gens pour se nourrir. Devine, certains pourraient te frapper si fort encore et encore. Que t'en puisses plus de la vie, leur implore, même la mort. Ça tient le cerveau, ça est-ce qu'au est hein. Ça pose de jour comme de nuit, on vend les coffres, faut se faire un bon. Les salauds des miens, petit salaud, mais on se fait à tout, mon manovitch. Certains de nos frères finissent gangsters notoires. Des serres atterrissent dans X ou font le trottoir. C'est quoi ce foutoir de temps que journaliste juge se frotte les mains dès qu'un patron mal ou qu'un coup foire. C'est prêt à perdre sa liberté, histoire que les miennes soient plus dans le besoin et retrouvent leur fierté. Prêt à prendre des années au placard ou une balle, c'est peut-être ça le foie, mais moi je respecte ça. Autant que celle qui m'a vu grandir aura joué ce rôle de mère et de père quand ce dernier était parti. One love à celle qui m'a fait, quoi qu'il se passe, quoi ce qu'il advienne, jamais j'oublie tout ce qu'elle a fait. Je respecte ceux qui seront partis de rien, auront fait parler d'eux que ce soit en mal ou en bien. Gestion de l'OQL, artistes, bosseurs, mineurs, sportifs et criminels. C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort que nous. C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort que tout. On respecte ça. Moi et la rue, ça a été le coup de fou. Tout du genre captivant, passionnant, et puis je l'ai jamais perdu moi. De quoi donner la chair de poule à ce qui doute. Elle restera dans mon esprit en son, j'agis coûte que coûte. Je gage ma vie sur ma voix et cause de cœur à cœur. Même si les sons émis par ma voix compensent des risques majeurs, la nature suit son cours et ma voix. Le bonheur à quoi je dois renoncer pour l'avoir. Je ferai honneur à la zone, mon trésor. Là où je vis, les gens acceptent leur sort. Donc pas d'affolement, y a pas de quoi perdre confiance. Il suffit d'être en paix avec sa conscience. Énervé de pas dire assez souvent aux proches combien on les aime. Énervé de pas dire aux proches qu'ils vendent toutes les grandes richesses. On remet ça au lendemain puis oublie. Pourtant on pense fort, y a rien passé de danser sur une poudrière. On occupe le sol. C'est la gueule qui vient la colette mon pote. Moi mais tu connais de belles rimes. C'était entre les lignes. Oh aïe aïe aïe. C'est plus fort. C'est plus fort que nous. C'est plus fort. C'est plus fort que nous. C'est plus fort. C'est plus fort que vous. C'est plus fort. C'est plus fort que tout. On respecte ça. On est là, prêt pour l'alerte, donnez-la tout le soutien qu'on nous apporte. Je respecte sa force, sans savoir comment être à la hauteur. Repousse les limites et laisse parler le cœur. On bloque des airs, je respecte la volonté de faire. Ceux qui essaient de vivre avec sida ou cancer. Respecte la pute qui tire sur le mec qui veut la maquer. Si ça le gosse que tu veux pas te saquer, je les respecte moi. On ne laissera pas t'interner, vous comprennent. C'est sûr des orientants, nos problèmes sont. Ils s'en branlent et c'est normal, va pas croire qu'on mentit. On attend des mains tendues ou des regards attendris. Respecte ma famille avant tout le Seigneur. J'respecte cette putain de vie. Et c'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort que nous. Que tout, on respecte ça. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout, on respecte ça. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout, on respecte. Thank you. vous. C'est plus fort que tout, on respecte ça. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout, on respecte ça. Gaman. Je représente les fruits et les légumes. Je représente les fruits et les légumes jusqu'au bout. Je vous supporterai. Car c'est dans mon cœur que vous êtes, que vous resterez. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes toujours là. Vous, les fruits et les légumes, que j'apprécie tant. Depuis que je suis né, lorsque je vous ai vu la première fois, je me suis approché. C'était ma destinée.